5. Le village. C'était à Loisy, dans l'ancienne maison du garde. Je les conduisis jusque-là, puis je retournai à Montmagny, où je demeurais chez mon oncle. En quittant le chemin pour traverser un petit bois qui sépare Loisy de Saint-S, je ne tardai pas à m'engager dans une sente profonde qui longe la forêt d'Hermenonville. Je m'attendais ensuite à rencontrer les murs d'un couvent qu'il fallait suivre pendant un quart de lieue. La lune se cachait de temps à autre sous les nuages, éclairant à peine les roches de grès sombre et les bruyères qui se multipliaient sous mes pas. À droite et à gauche, des lisières de forêt, sans route tracée, et toujours devant moi ces roches druidiques de la contrée, qui gardent le souvenir des fils d'Armen, exterminés par les Romains. Du haut de ces entassements sublimes, je voyais les étangs lointains se découper comme des miroirs sur la plaine brumeuse, sans pouvoir distinguer celui-même où s'était passée la fête. L'air était tiède et embaumé. Je résolus de ne pas aller plus loin et d'attendre le matin, en me couchant sur des touffes de bruyère. En me réveillant, je reconnus peu à peu les points voisins du lieu où je m'étais égaré dans la nuit. À ma gauche, je vis se dessiner la longue ligne des murs du couvent de Saint-Es, puis, de l'autre côté de la vallée, la butte aux gendarmes, avec les ruines ébréchées de l'antique résidence carlovingienne. Près de là, au-dessus des touffes de bois, les hautes masures de l'abbaye de Thiers découpaient sur l'horizon leurs pans de murailles, percés de trèfles et d'ogives. Au-delà, le manoir gothique de Pont-Armé, entouré d'eau comme autrefois, refléta bientôt les premiers feux du jour, tandis qu'on voyait se dresser au midi le haut donjon de la Tournelle et les quatre tours de Bertrand Fausse sur les premiers coteaux de Montmélian. Cette nuit m'avait été douce, et je ne songeais qu'à Sylvie. Cependant, l'aspect du couvent me donna un instant l'idée que c'était celui peut-être qu'habitait Adrienne. Le tintement de la cloche du matin était encore dans mon oreille, et m'avait sans doute réveillé. J'eus un instant l'idée de jeter un coup d'œil par-dessus les murs en gravissant la plus haute pointe des rochers. Mais en y réfléchissant, je m'en gardais comme d'une profanation. Le jour en grandissant chassa de ma pensée ce vain souvenir, et n'y laissa plus que les traits rosés de Sylvie. « Allons la réveiller, » me dis-je, et je repris le chemin de Loisy. Voici le village au bout de la sente qui côtoie la forêt. 20 chaumières dont la vigne et les roses grimpantes festonnent les murs. Des fileuses matinales, coiffées de mouchoirs rouges, travaillent réunies devant une ferme. Sylvie n'est point avec elle. C'est presque une demoiselle depuis qu'elle exécute de fines dentelles, tandis que ses parents sont restés de bons villageois. Je suis monté à sa chambre sans étonner personne. Déjà levée depuis longtemps, elle agitait les fuseaux de sa dentelle, qui claquaient avec un doux bruit sur le carreau vert que soutenaient ses genoux. « Vous voilà paresseux, » dit-elle avec son sourire divin. « Je suis sûr que vous sortez seulement de votre lit. » Je lui racontais ma nuit passée sans sommeil, mes courses égarées à travers les bois et les roches. Elle voulut bien me plaindre un instant. « Si vous n'êtes pas fatigué, je vais vous faire courir encore. Nous irons voir ma grand-tante à Otis. » J'avais à peine répondu qu'elle se leva joyeusement, arrangea ses cheveux devant un miroir et se coiffa d'un chapeau de paille rustique. L'innocence et la joie éclataient dans ses yeux. Nous partîmes en suivant les bords de la Tève à travers les prés semés de marguerites et de boutons d'or, puis le long des bois de Saint-Laurent, franchissant parfois les ruisseaux et les halliers pour abréger la route. Les merles sifflaient dans les arbres et les mésanges s'échappaient joyeusement des buissons frôlés par notre marche. Parfois nous rencontrions sous nos pas les pervenches si chères à Rousseau, ouvrant leurs corolles bleues parmi ces longs rameaux de feuilles accouplés, liane modeste qui arrêtait les pieds furtifs de ma compagne. Indifférente aux souvenirs du philosophe genevois, elle cherchait çà et là les fraises parfumées, et moi je lui parlais de la nouvelle Héloïse, dont je récitais par cœur quelques passages. « Est-ce que c'est joli ?» dit-elle. « C'est sublime. Est-ce mieux qu'Auguste Lafontaine ?» « C'est plus tendre. »« Oh, bien, » dit-elle, « il faut que je lise cela. » Je dirai à mon frère de me l'apporter la première fois qu'il ira à Senlis, et je continuai à réciter des fragments de l'Héloïse pendant que Sylvie cueillait des fraises.